21 piges dans le ghetto, normal j'ai corps c'est ma pute. Ma vie c'est pas la zik, on va dire que le rap c'est ma pute. Ça sent le grabuge, tu vas dire c'est de l'abus. L'inspi je l'ai perdu, je la retrouve sous la capuche. Je m'en bats de la glace, Star Strass, ouais le sérieux s'installe. Je suis instable sur un putain de bloc de glace sale. Et casse-toi de là, je connais tous les vols de face. Tu auras bien Zartek, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse. J'ai compris que dans le hip-hop y'a les victimes et les kidnappeurs. 1-2-1-2, je prépare une armée de rappeurs. Ebu, ebu, j'échec depuis le début. Disent gardien de la paix, mais ils kiffent trop mettre des buts. À ce qu'il paraît, dans plusieurs villes, je suis répute. Tu m'entends dans les pestes, dans les arrêts de bus. Je t'engraine pas dans la bédave, là je nous flatise. C'est le rap des races qu'on accuse. 9-3-600 à l'Arcus. Pour cet album, je vise la France entière. Et je le fais sentir, mec, vite faut qu'on s'en tire. Trop tôt, je suis comme toi, je suis Zepo. Les blèmes pro dans le ghetto, rien ne va dans les chevaux. Ouais, y'a que des centimes. J'ai fait le tour du rap underground. Les grands me disent baisse tout dans le rap, ouais des gros tout dans le rap. Alors ma voix de filoche dans le 9-1-9-2-9-4-9-5-7-5-7-7-7-8-4-5-5-9-9-3. Et toutes les provinces sales. Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo. Retour girdé au mic. Les médias parlent pas de moi. Toutes les idées hommages. Rap ça m'a jamais nourri. J'en dérive à ma rage. Toujours du lourd, lourd, lourd, lourd. Les braves, yo, yo, yo, retour girdé au mic. Les médias parlent pas de moi, toutes les idées hommages. Rap ça m'a jamais nourri, j'en dérive à ma rage. Toujours du lourd, lourd, lourd, lourd pour les braves. Ça c'est l'outro, mon album, Génération 8-8, 2FK Pro. Comment je suis, comment je reste, j'ai à en ce moment je débloque. J'ai toujours qui me guide, toujours dans cette sale époque. J'analyse sur de la merde, j'y nous focalise. Pendant qu'ils font des films sur l'apocalypse. Ils prennent au Khalis, les noirs arabes, les salis. Toutes les semaines un reportage dans les ghettos à risque. Pisse n'emploie, c'est vite la pisse en bas. J'vois pas ma puissance, sachez que 2-3 mecs sans phare. J'veux pas mourir dans la musique, surtout pas à l'usine. Ce son encaisse-le comme une roquette, comme un fusil. La pression pète le fusil, range ton rap de pucelle. J'parle pas, string ficelle, non, ça c'est trop facile. C'est ses fils, ça fils, ça. Bizarre, les hommes font les actrices. Vis, gis et visal, même les dix, ça, ça les attriste. Pas de matrix, j'en rajoute pas, j'fais que de constater. Allez, pousse ta tête, c'est déchire sur Bouscatec. Yo, yo, yo, retour girdé au mic. Les médias parlent pas de moi, toutes les idées hommages. Rap ça m'a jamais nourri, j'en dérive à ma rage. Toujours du lourd, lourd, lourd, lourd pour les braves. Yo, yo, yo, retour girdé au mic. Les médias parlent pas de moi, toutes les idées hommages. Rap ça m'a jamais nourri, j'en dérive à ma rage. Toujours du lourd, lourd, lourd, lourd pour les braves. Si c'est pas mon truc, nique sa mère j'encaisse. Petit t'as fait beaucoup, sinon je suis à la thèse. Si ça devient mon truc, donne ça qu'on encaisse. Qu'on encaisse, qu'on sort des gens de la haisse. Si c'est pas mon truc, nique sa mère j'encaisse. Petit t'as fait beaucoup, sinon je suis à la thèse. Si ça devient mon truc, donne ça qu'on encaisse. Qu'on encaisse, qu'on sort des gens de la haisse. Yo, yo, yo, retour girdé au mic. Les médias parlent pas de moi, toutes les idées hommages. Rap ça m'a jamais nourri, j'en dérive à ma rage. Toujours du lourd, lourd, lourd, lourd pour les braves. Yo, yo, yo, retour girdé au mic. Les médias parlent pas de moi, toutes les idées hommages. Rap ça m'a jamais nourri, j'en dérive à ma rage. Toujours du lourd, lourd, lourd, lourd pour les braves.